Des années 80 à nos jours, Radio Web Passion. Vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et puis que, on va passer une soirée spéciale et exceptionnelle. Voilà, j'ai annoncé ça sur les réseaux sociaux. Ce soir, c'est une émission exceptionnelle autour de la chanson Molière. Et oui, cette chanson Molière qui n'avait pas ce titre-là à l'origine, mais ça, on va le savoir tout à l'heure en interview. Cette chanson Molière était destinée à Johnny Hallyday. Ce projet n'a pas vu le jour, mais il aimait énormément cette chanson. Il paraît, vous entendrez tout à l'heure, qu'il l'écoutait en boucle dans sa voiture avec sa cassette dans la voiture. Mais voilà, cette chanson Molière, c'est dommage, elle est restée longtemps sur une maquette, dans un tiroir, enfin voilà. Et tant d'années après, à la Nouvelle Ève à Paris, le 28 novembre 2022, où Rémi Langlois, notre Québécois, est venu faire deux concerts, eh bien, ce premier concert, Gérard Layani et Sandrine Descentes vont proposer cette chanson Molière à Rémi Langlois. Voilà, alors donc ce soir, on va avoir en interview les auteurs de cette chanson. Donc, Sandrine Descentes, auteur des paroles, et Gérard Layani pour la musique. Voilà, c'est un super cadeau pour Rémi Langlois qu'on aura également en interview. Il était en Californie, on a enregistré ses interviews parce que entre un en Californie, l'autre ailleurs, enfin, c'était un petit peu compliqué. Donc on a enregistré les interviews et on va les écouter tranquillement ensemble. On a 2 heures avec notre Johnny et avec cette chanson Molière. Radio, c'est notre passion. Radio Web Passion, toutes vos musiques préférées. Qu'est-ce que j'aime, vous passez des chansons de Johnny qu'on n'entend pas souvent. Celle-ci, c'était Toi qui vole l'amour. Voilà, il y en aura d'autres comme ça qu'on n'entend pas souvent et qu'on a plaisir à réentendre. Alors voilà, c'est une émission exceptionnelle. Vous avez pu le lire toute la semaine, hein. J'ai publié au maximum. Je remercie également Sandrine Décembre, hein, qui a fait un gros partage de la publication pour que vous soyez tous là ce soir à l'écoute. Alors je vous dis un petit peu l'organisation de cette émission. On va commencer par l'interview de Rémi Langlois. Donc Rémi Langlois, notre Québécois, chanteur québécois, qui était venu donc à la Nouvelle Ève et que l'on avait invité pour les 80 ans de Johnny le 3 juin dernier à Olivet avec l'association Appel 45. Et donc, on l'a eu en interview. Il est parti en Floride pour quelques temps, pour des concerts, un petit peu de vacances en même temps. Donc, on a fait l'interview en l'enregistrant parce que, bon, avec 6 heures de décalage en Floride, nous ici, enfin bon, c'était un peu compliqué. Après, on aura, assez brièvement, on aura Robert Marty, le producteur de Rémi Langlois. Là, on l'aura en direct, hein, parce qu'on est sur Paris, donc il n'est pas très loin. Après, on aura l'interview de Sandrine Décembre. Sandrine Décembre qui a composé les paroles de cette chanson, qui aura plein de choses intéressantes à vous dire, peut-être à vous apprendre, parce que moi, j'avoue que j'ai appris certaines choses avec Sandrine. Et puis, après, on aura l'interview de Gérard Layani, qui a composé également. Donc, voilà, plein de belles choses. On va connaître un petit peu l'histoire de cette chanson qui, à l'origine, a été écrite pour Johnny. Et puis, bon, voilà, le hasard des choses a fait que cette chanson, c'est Rémi Langlois qui va avoir l'honneur de la chanter. Enfin, il l'a enregistrée. Elle est sortie il y a une semaine et demie à peu près. Nous allons avoir l'occasion de l'écouter ce soir, puisque on la passera avec Seb avant chaque interview. Comme ça, vous finirez l'émission en ayant la musique dans votre tête. Voilà, et bien écoutez, on va écouter une petite chanson encore, et puis on lancera le premier interview avec Rémi Langlois. On va écouter la chanson « Valise ou cercueil ». On y va, vas-y Johnny. De la nuit, au milieu de leur vie, ils radio, c'est notre passion. Radio Web Passion, la web radio du Loiret, à Sercotte. Alors, je vous rappelle que ce soir, c'est une émission spéciale et exceptionnelle autour de la chanson Molière, cette chanson Molière qui était destinée à Johnny. Alors, on va tout simplement commencer par l'écouter pour que, bah, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter sur les réseaux sociaux, s'il n'y a pas eu assez de partage, on ne sait pas. Là, on va l'écouter et après, on écoutera Rémi Langlois qui nous parlera de cette émotion d'avoir eu comme cadeau la possibilité de chanter cette chanson Molière qui normalement aurait dû être chantée par Johnny. On écoute cette chanson Molière. Quand le rideau tombera sur lui, chanson Molière. Donc les paroles du début sont sont dites par Sandrine Décembre, hein, qui a composé les paroles de cette chanson. C'est un petit peu le même style que quelque chose de Tennessee où Nathalie Baye parlait au début de la chanson. Mais là, c'est un petit peu le même clin d'œil. C'est bien agréable. Alors, on aura des explications tout à l'heure quand on aura Sandrine Décembre en interview. Donc là, on a écouté la chanson Molière, chantée par Rémi Langlois. Et bien là, maintenant, nous allons écouter tous ensemble l'interview que nous avons fait ici au studio avec Seb. D'ailleurs, j'en profite pour largement remercier Seb pour le travail que ça a demandé, parce que faire des interviews comme ça, aussi bien avec des gens qui sont en Floride, ainsi de suite, des gens tous azimuts, c'est un sacré boulot. Heureusement qu'il est là pour la radio et pour mon émission. Et voilà, si vous voulez mettre des petits commentaires sur la page Facebook du nom de l'émission « Sur la route avec toi, Johnny », venez mettre vos remerciements, pas pour moi, mais pour Seb, parce que vraiment, c'est un travail de technique incroyable que je ne saurais pas faire moi-même, je l'avoue. Donc voilà, nous allons donc écouter l'interview de Rémi Langlois. Vas-y, Rémi, on t'écoute. Floride. Bonsoir Rémi. Bonsoir, ça va bien? Oh ben ça va bien et toi? Ah ça va super. Super, ça fait du bien d'entendre à nouveau ton accent québécois. On voyage, chers auditeurs, je vous emmène loin ce soir. Je vous emmène où ça? Où est-ce que tu es? On est présentement à Fort Lauderdale. Oui. Fort Lauderdale, en Floride. Ah et génial. Oui, le soleil, on est au soleil. Le soleil, la mer, enfin bon, tout va bien. Ben oui. Tout va bien. Le tout. Eh bien, écoute, Rémi, voilà, on a décidé de faire cette émission spéciale sur cette chanson Molière qu'on a entendue un petit peu, parce qu'on partage un petit peu partout, sur tous les streamings possibles, sur toutes les plateformes, cette chanson Molière que tu as l'honneur de chanter, que tu as enregistrée, cette chanson Molière qui était destinée à Johnny Hallyday. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment le projet est arrivé vers toi, en fait. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, c'est que j'étais en spectacle, justement pour mon premier spectacle à Paris, hommage à Johnny Hallyday. Et puis, après le spectacle, Gérard Layani m'a approché et puis il m'a dit « J'aimerais te parler, j'ai une chanson pour toi. » Donc, j'aime bien ta voix et tout ça. Donc, j'aime bien ce que tu fais, le projet sur Johnny. Donc, je crois que j'ai une chanson pour toi et je crois que tu vas aimer. Donc, on a pris contact et puis ensuite, ça a été une énorme surprise parce qu'il m'a envoyé la maquette donc de la chanson. Et oui. Donc, j'ai entendu cette chanson-là et les paroles m'ont collé, j'ai bien aimé. Et j'ai dit à Gérard, ben oui, c'est sûr, surtout que c'était destiné à Johnny. Donc, c'est un rêve pour moi d'avoir, un rêve et un honneur de pouvoir chanter cette chanson-là. C'est ce que j'allais dire, donc, oui, un rêve et un honneur, oui, effectivement. Oui, c'est un grand honneur, oui. Donc, et la surprise, c'était surtout que c'était une maquette et c'était Éric Bamy qui chantait sur cette maquette-là. Ah, incroyable. Donc... Donc, quand j'ai entendu Éric Bamy, je suis un fan de Éric Bamy aussi. Et avec sa voix puissante, j'ai dit ouais, j'ai beaucoup de travail. Hein, parce que, premièrement, la tonalité était très haute. Et je voulais vraiment pas baisser la tonalité parce que je savais que si Johnny, la chanson aurait été destinée vraiment à Johnny comme prévu, Johnny l'aurait chantée à cette tonalité-là parce que Éric Bamy préparait. Les maquettes pour Johnny. Donc, oui. Quand j'ai reçu, je me suis dit, il faut que je fasse vraiment cette tonalité-là. Donc j'ai écouté la maquette et il y avait beaucoup d'émotions parce que, bien sûr, Éric Bamy n'est plus avec nous en plus. Là, je me suis dit, aïe, je travaille avec Éric Bamy et c'est une chanson destinée à Johnny. Donc, c'était du lourd. C'était du comme lourd. On dit en France. Alors, ce qu'on peut préciser, hein, c'est que cette chanson Molière, a été écrite par Sandrine Décembre, que nous aurons tout à l'heure en interview, et la musique a été composée par Gérard Layani, que nous aurons également tout à l'heure en interview. Donc, vraiment, sacré beau cadeau, cette magnifique chanson. que tu interprètes maintenant, c'est incroyable. Alors, je rappelle que c'était quand tu es venu à la Nouvelle Ève à Paris, hein, quand tu as fait tes deux concerts, que justement Gérard Layani est venu à la suite de ce concert à la Nouvelle Ève te proposer cette chanson. Alors, après, ça s'est passé comment ? Donc, voilà, tu as reçu la maquette, tu as écouté. Après, il a fallu passer au stade enregistrement. Comment ça s'est organisé, tout ça ? Donc, oui, vu que cette chanson débute, pour le montage de cette chanson, on a eu une idée de faire... c'est Sandrine Descembre qui a eu l'idée et Gérard, les compositeurs, là, l'auteur-compositeur, ont eu l'idée de faire parler Sandrine Descembre au début de la chanson. Donc, pour un peu comme la chanson « Quelque chose de Tennessee oui, », donc voilà, ça faisait un clin d'œil aussi à « Quelque chose de Tennessee » pour moi. Donc, c'était vraiment super. Donc, on était à Paris pour que Sandrine enregistre les pistes de voix et elle a fait ça avec la maquette de Éric Bamy. On a commencé, tout a débuté de ce premier enregistrement de Sandrine Descembre. On avait la voix de Sandrine et on a exporté le tout au Québec parce que je retourne au Québec. Et oui. Donc, on a exporté tout ça dans un studio au Québec et j'ai repris la maquette. Et tout ça, j'ai gardé la même tonalité qu'Éric Bamy. On a refait des arrangements un peu. On a gardé la base de Gérard à la guitare, qui avait fait une super base de guitare. Donc, on a gardé tout ça et on a travaillé avec ça. Et on a terminé la chanson Molière au Québec. Donc, avec la voix qu'on a remis de Sandrine Descembre, bien sûr, qu'elle avait enregistrée à Paris. Donc, ça a été assez spécial comme enregistrement. Oui, oui, c'était un petit peu ardu. Mais bon, voilà, le résultat est très, très beau, en tout cas. Ouais, je suis vraiment satisfait de cette chanson-là. C'est vraiment un super clin d'œil à Johnny. J'espère qu'il l'entend d'en haut. Forcément. Comme les concerts, comme à la Nouvelle Ève ou comme le 3 juin à Olivet pour les 80 ans de Johnny, on avait vraiment cette impression que Johnny était sur scène à tes côtés. Il était là, il était présent, forcément. On a tous ressenti ça. Donc, ben oui. Cette chanson est disponible et il y a une très très belle photo qui accompagne. Cette chanson, c'est une photo de toi avec Johnny dans le fond, ce fameux tableau du Stade de France sous la pluie en 98. Et c'est une photo de Daniel Angeli. En fait, nous avons eu l'honneur d'aller avec toi faire un shooting photo au loft, un shooting photo par Daniel Angeli, le photographe de Johnny pendant 20 ans. Et donc, cette photo est magnifique et il y en a tellement à venir encore des photos. Donc ça, c'était une belle expérience aussi, ce shooting photo. Ah oui, c'est après le spectacle de Olivet. Oui. J'ai eu une énorme surprise parce que Caroline Angeli était là, Charlotte Angeli. Et puis, on m'a dit, écoute Rémi, on aimerait que tu viennes faire un shooting photo avec Daniel Angeli. Et puis, moi, je ne croyais pas mon gérant Robert, et puis Robert Marty, donc je ne le croyais pas. Il me dit, on a un shooting photo demain, tout ça. J'ai dit, non, mais c'est une blague, quoi. Non, prépare-toi, prépare ton linge. Et là, je ne m'attendais vraiment pas à rien, quoi. Je ne comprenais plus rien. C'est un cadeau du ciel, quoi. Ah oui, un cadeau de Johnny. Et là, je vais arriver là, et là, ça a été une expérience incroyable pour moi. Là. Donc, un autre rêve qui s'est réalisé, quoi. Parce que, premièrement, j'ai rencontré toute la famille Angeli, et puis, j'ai rencontré Daniel, bien sûr. Ça a été un coup de foudre avec Daniel. Il m'a parlé de Johnny. On dirait qu'on se connaissait depuis longtemps. Je sais pas, ça a été comme un coup de foudre. Et il est arrivé cette journée-là, c'était un peu sombre. Il avait son appareil dans les mains. Il m'a regardé et il a dit, C'est un peu sombre, on va attendre. On va attendre quelques minutes. C'est vrai. Et puis, après, il m'a dit, place-toi là, 10 minutes après. Et là, les photographies ont défilé. Ah oui, c'était incroyable. Tu n'avais même pas le temps de réaliser ce qui se passait. C'était incroyable. Et surtout que j'étais vraiment surpris que, parce que dans cette série de photos, on a pris des photos sur un road case de Johnny. Donc, un road case où Johnny avait déjà pris des photos. Donc, je me suis assis sur le road case et il y avait beaucoup de photos dont Johnny était derrière moi. Donc, des photos que Daniel avait prises en spectacle. Donc, il avait mis les grosses affiches derrière moi et on prenait des photos et moi, j'étais en avant. Ouais, les Donc, comme tableaux. si Johnny nous surveillait, comme si Johnny était avec nous, comme si Johnny... Non, Exactement. c'était vraiment un moment incroyable. Donc, pour moi, mes spectacles en France présentement, ça a été une de mes grandes surprises de ma vie, quoi. Bah, on en aura d'autres, hein, j'espère, hein, d'autres spectacles qui vont avoir lieu pour cette année 2024, où on aura l'occasion de te voir revenir en France et puis d'organiser des concerts où tu vas encore nous enchanter avec ta voix. Donc, et puis cette chanson Molière que tu pourras interpréter. Est-ce qu'il y aura d'autres chansons nouvelles que tu vas enregistrer autres que Molière? Il y en a eu d'autres, hein? Oui, ben, Gérard m'a légué une autre chanson, donc on a terminé aussi, donc on devrait la lancer après Molière. Donc je veux pas trop en dire Non, pour non, tout de suite. pour C'est une rester dans la surprise pour surprise, vous, voilà, pour tous les exactement. auditeurs. On sait Une qu'il y a déjà surprise. quelque chose d'autre, donc c'est déjà, on est tout content. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une chanson incroyable, encore une fois, et surtout que l'auteur, cette fois-ci, c'est Gilles Thibault. Donc, Gilles Thibault, c'est lui qui a écrit Que je t'aime, Laisse-moi t'aimer, Je vais t'aimer à Michel Sardou. Donc, c'est vraiment un très, très grand auteur. Et encore la musique de Gérard Layani. Donc, ça va être une chanson, une belle ballade qui s'en vient après Molière. Donc, préparez-vous, ça va faire une bombe en France. Exactement, exactement. Et tu viendras nous chanter ces chansons sur scène en France où on sera ravis de t'y retrouver. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Rémi, de nous avoir consacré du temps pour cette interview de si loin, mais on a voyagé, quel bonheur. Ça fait du bien d'être dans son fauteuil chez soi, mais par la voix, par les ondes, de se retrouver au bord de la mer avec toi et de parler de notre Johnny. De cette chanson qui normalement était destinée pour lui, dont Éric Bamy avait fait la maquette. Ça, c'est encore un honneur de pouvoir travailler dessus. Et puis maintenant, cet honneur que nous on a, enfin que toi tu as et que nous on a de t'écouter interpréter cette chanson en se disant bah voilà, je suis aux côtés de Johnny. Il est sur son étoile, mais il est là près de moi pour interpréter sa chanson. C'est incroyable. Ben, j'espère que mes amis français, françaises vont aimer ce titre. J'en suis sûr. Et on a mis tout notre cœur dans cette chanson-là. On l'a fait pour les bonnes raisons. Donc, c'est des surprises de la vie. C'est des cadeaux de la vie. Et je pense que je suis sûr qu'on va aller loin avec cette chanson-là. Et l'autre chanson aussi s'en vient. Et tout ça, ben, pour faire des grands clins d'œil à Johnny. Et Johnny, pendant ce temps-là, est toujours avec nous. Exactement. Bah, de toute façon, ça ne finira jamais du titre de la chanson de mon émission. Et puis, bah, grâce à des gens comme toi, ça ne finira jamais, ça c'est certain. Oui, puis j'ai eu un autre. C'est souvent des surprises comme ça. Et j'en ai eu un autre en arrivant aujourd'hui dans l'appartement où je suis présentement à Fort Lauderdale. Donc, c'est un ami qui me loge en partie ici. Donc, et quand j'ai rentré dans l'appartement, il y avait un cadre en 3 dimensions de Johnny. Et Ah. sur le coup, je ne l'ai pas vu. J'ai rentré dans l'appartement. Donc, c'est comme s'il avait personnalisé la chambre pour moi. Donc, Incroyable. mais sur le coup, j'ai rentré dans la chambre. Je ne l'ai pas vu parce que j'ai toutes mis mes valises par terre et tout ça. Et quand j'ai ressorti, et après, quand j'ai re-rentré dans la... J'ai rentré de nouveau dans la chambre, et j'ai vu le cadre qui bougeait, j'ai fait « Ah, c'est Johnny !» Les photos sont incroyables. Et j'ai vraiment remercié le manager de l'appartement ici, là. Il m'a fait une surprise encore. Donc, beaucoup de gens font des énormes surprises avec Johnny. Et pendant ce temps-là, ben, Johnny est tout le temps à mes côtés. Exactement. Mais de toute façon, il est avec chacun de nous. Et justement, on continue à le garder avec nous, à faire vivre son talent, son patrimoine musical et lui-même, quoi. Et donc, on est tous là pour avancer de la même manière, c'est-à-dire le garder près de nous. Bah écoute, merci mille fois Rémi pour cette interview, de nous avoir consacré du temps. On est toujours tellement heureux d'entendre ta voix. Et on va écouter justement, dès qu'on va raccrocher, on va écouter cette chanson Molière que tu interprètes tellement bien. Et on ne peut que penser à Johnny, bien évidemment, en remerciant Sandrine Décembre et Gérard Layani de l'avoir composée. Elle est vraiment magnifique. Et merci à toute votre équipe, Sébastien, merci à tout le monde de prendre le temps aussi. Je vous envoie du soleil de la Floride à tout le monde, à tous vos auditeurs en France. Et je vous aime, à bientôt. Nous aussi, on aime, à tous. J'ai compris quand j'ai eu ma première vraie guitare que commençait là ma vie. Et mon histoire. Oui, j'ai chanté sur trois accords que je connaissais. Ma première musique déjà lui ressemblait. Le blues de ma vie. Pour moi la première vraie chanson en lettres de feu, j'ai vu briller mon nom. Au fond de moi, un démon me poussait, et sans le savoir, malgré moi, je chantais le blues de ma vie. Que je n'aimerais jamais, plus jamais de ma vie. Et dans mon cœur, il ne peut plus vraiment faire très froid. On reste tout seul, le blues, ma guitare et moi. Et je chante le blues de ma vie. Radio Web Passion, disponible sur App Store et Android. Et oui, c'était encore une chanson qu'on n'entend pas souvent, le blues, la guitare et moi. Voilà, nous avons écouté avec bonheur l'interview avec Rémi Langlois qui nous a expliqué un petit peu voilà, comment cette chanson lui a été proposée, comment il l'a enregistrée et comment il a reçu cette maquette faite par Eric Bamy à l'époque. C'est incroyable qu'on puisse encore travailler sur une maquette qui date de si longtemps. Et cette maquette, justement, Johnny l'avait entendue bah, quasiment en premier. Et il avait trouvé cette chanson très, très bien. Voilà, c'est un grand honneur pour Rémi Langlois qui va porter cette chanson au-delà des océans, c'est le cas de le dire. Hein, puisque bon, il va la chanter en Floride, là où il est, au Québec, là où il habite. Et en France, quand il viendra nous voir, on ne manquera pas évidemment de vous signaler sa venue pour des concerts. Il faudra réserver très très vite vos places. Alors on va passer encore une chanson, La Ville, c'est le titre de cette chanson. Et à la fin de cette chanson, on aura Robert Marty, le producteur de Rémi Langlois. On l'appellera de moins loin, il est sur Paris, donc ça va, il y a moins de kilomètres à vol d'oiseau, ça se fait plus rapidement. On y va, on écoute ta chanson Johnny, La Ville. Apprends à survivre sous un soleil de lune, tu vas à la dérive. Sur chaque pavé résonne tes pas. Si quelqu'un te suit, retourne-toi. Tu es dans la ville. Des murs si hauts que tu ne peux t'échapper. Perdu dans les rues aveugles, le brouillard est tombé. Et tu te brûles les ailes au néon, des trucs torts en carton. Tu es Qu'est-ce que j'aime fouiner dans ce patrimoine musical que Johnny nous a laissé pour aller chercher des chansons qu'on n'écoute pas ou les écouterait pas sur les autres radios, il n'y a pas moyen. C'est toujours les mêmes chansons qu'on entend. Ici, sur Radio Web Passion, on vous cherche des chansons que vous n'avez pas entendues depuis longtemps, que vous découvrez peut-être. En tout cas, c'est que du bonheur de vous les passer et de les écouter avec vous. Alors, on a eu Rémi Langlois en interview, Rémi Langlois qui était loin, loin, loin en Floride, là-bas, sous le soleil, la mer. Et puis là, on va avoir le producteur de Rémi, parce que voilà, hein, un chanteur, ça ne voyage pas tout seul, hein, il faut quelqu'un pour s'occuper un petit peu de toutes ses affaires. Et nous avons Robert Marty en ligne. Robert, tu es là ? Oui, je vous entends. Ah, super, super. Comment vas-tu, Robert ? Bah, impeccable. Vous m'entendez bien, là ? Oui, moi, j'entends très bien. Alors, Robert, tu as la chance de t'occuper de Rémi Langlois. Effectivement. Dis-nous un petit peu quel est ton travail par rapport à Rémi, ce que tu fais pour lui, enfin voilà, pour les auditeurs, qu'ils sachent un petit peu quelle place tu es, ce que tu fais pour Rémi. Alors, mon métier, en fin de compte, c'est surtout mettre les artistes devant. Et quand Lolo... enfin, qui est un fan de Johnny et qui est très très proche, m'a parlé de parce que j'étais toujours en train de chercher des artistes, parce que je suis un très très grand fan de Johnny, j'étais toujours en train de chercher des artistes qui sont pas comme les autres. Je ne voulais pas de sosie, à part un que je connais bien, c'est Richie, mais Richie c'est encore autre chose. Il est bien, ne le critique pas Richie, nous on l'aime. Hein. Ah non, mais j'adore Richie. C'était un petit clin d'œil. C'est juste un clin d'œil à Richie. Voilà. C'est une personne que j'ai rencontrée plusieurs fois. Et d'ailleurs, Johnny l'a adoré. C'est le seul sosie. Exactement. Qu'il a adoré de toute sa carrière. Exactement. Et voilà. Et donc, voilà, je voulais quelqu'un de précis, d'intègre et qui adorait Johnny et surtout sur la voix. Et Laurent m'a fait connaître, me dit, écoute, voilà, je connais une personne qui va tout aller. que tu vas adorer, qui s'appelle Rémi Langlois, qui est au Québec, mais il faut absolument que tu lui parles. Et donc, on a fait connaissance depuis maintenant. Je suis en relation avec Rémi maintenant depuis 8 ans, ça date hein, déjà. Il a fallu qu'on monte le projet. Un jour, je l'ai fait venir à Paris, on n'avait pas encore pensé au concert et tout. Et ça a tout juste matché, lui et moi. Et surtout, j'ai non seulement la voix, mais j'ai surtout connu un être vraiment intègre, vraiment un vrai être génial qui a la partie morale et la partie « moi, je les aime ». Et surtout un grand fan de Johnny. Et je lui ai dit, écoute, il faut absolument qu'on monte quelque chose, mais ne pas faire comme un répertoire classique, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et petit à petit, on a monté ce projet. On a été un petit peu retardé, bien évidemment, avec le Covid, mais après, on a commencé à monter ce projet. Et voilà un petit peu, ça fait maintenant 8-9 ans déjà, que nous sommes en relation. Super. Donc, il est venu, Rémi, faire deux concerts à la Nouvelle-Ève. Et c'est là qu'on l'a vraiment découvert en France. Voilà, parce que je voulais une scène qui soit vraiment très parisienne. Et je suis en relation depuis pas mal d'années avec la Nouvelle-Ève, qui est le plus vieux cabaret de Paris, qui est la petite sœur, on va dire, du Moulin Rouge. Et j'ai dit, bon ben voilà, on va d'abord... Alors au début, je l'ai mis en première partie d'un de mes artistes qui faisait un spectacle sur Aznavour, Frédéric Zermati. Et là déjà, le public l'a découvert. Et j'ai dit, bon ben maintenant, Rémi, ça a tellement bien marché que maintenant, on va faire 2 jours à la Nouvelle-Ève toujours pour vraiment montrer le spectacle. Mais je lui ai dit, on va faire un spectacle comme on avait en tête, c'est-à-dire avec des cascadeurs. Puisque j'ai voulu, voilà, c'est ça aussi la répercussion, la particularité, c'est que j'ai voulu faire un spectacle pas comme les autres, pas qu'un répertoire. J'ai voulu faire quelque chose comme faisait, enfin, avec toute modestie gardée, bien évidemment, j'ai voulu faire quelque chose que faisait Johnny, c'est-à-dire il mélangeait la cascade, la mise en scène, le cinéma, comme Johnny, tout le monde le sait, que Johnny est un grand cinéphile, et il a toujours fait ça, et j'ai dit, on va essayer, en tout cas, de faire un spectacle avec ça. Et on a fait une chanson dedans qui s'appelle La Bagarre, que tous les fans connaissent. Mmh. Et j'ai fait monter 4 cascadeurs sur scène avec la plus grande école de cascade en France qui s'appelle Action Training Production, qui sont des vrais cascadeurs, qui ont pris Rémi en main en 2 jours, parce qu'il fallait que Rémi, en plus, assume non seulement les chansons, mais en plus, assume les cascades. Et ça, ce qui n'était pas donné, parce que c'était pas évident de se battre contre 4 personnes et faire une mise en scène. Et bien sûr, Rémi a réalisé ça de façon magistrale. Ah oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est là que, et vous, toi et comment s'appelle Sébastien, vous avez découvert ce spectacle. Quoi. Bah, magnifique, on a tellement aimé, on a trouvé ça tellement exceptionnel, parce que moi je suis toujours un petit peu limite pour aller écouter quelqu'un qui chante du Johnny, mais là on a vraiment été tous les deux enthousiasmés, et c'est pour ça qu'on a fait la proposition quelques mois après de le faire venir pour fêter les 80 ans de Johnny à Olivet. Et comme Rémi nous avait dit après son concert à la Nouvelle-Ève que son rêve était de chanter sur la scène avec Pierre Billon, on lui a offert donc ce rêve, et là j'avoue beau cadeau. Quel beau cadeau. Mais oui, mais bon, voilà, on est comme ça, entre Alidéens. Et puis, quand on lui a annoncé la nouvelle, il avait la larme à l'œil. On voyait qu'il était sincèrement touché. Donc, voilà, bah, quand on peut faire plaisir à quelqu'un, quand on peut réaliser des rêves, bah, nous, on est là, Olivet, pour ça. C'est ça. Et puis, Pierre Billon est quelqu'un de tellement humain. Ah oui, c'est sûr. Ils ont tout de suite matché tous les deux. Mmh. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, non, mais lui, c'est un vrai artiste que j'adore. Et c'est pour ça, quand ils sont montés sur scène, ce côté magique qu'ils ont eu tous les deux, ça a été vraiment génial, comme vous pouvez voir sur les réseaux actuellement. Ouais, incroyable. C'est vrai qu'il y a eu une osmose entre eux, c'était incroyable. Déjà, dans l'après-midi, pendant les répétitions, ils se sont retrouvés tous les deux dans une loge, et on voyait que ça matchait bien tout de suite, quoi. Ils étaient incroyables tous les deux. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce que Rémi revient, quand est-ce qu'on retrouve Rémi en concert en France. Est-ce que tu as des petites choses à nous dire, des petites choses croustillantes? Oui, nous sommes en train de préparer pour la, Bon, au début, j'étais parti sur l'été, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques. Ah, il y a oui. beaucoup de choses et j'ai pas voulu tout mélanger. Je me suis dit, ça va être une période compliquée. Ça va être compliqué juin, à Paris, juillet. Oui. Voilà. Juin-juillet va être très compliqué. Mais on est en train de mettre en place des concerts sur... on va tout faire pour que ce soit octobre, novembre, décembre. On est en train de voir ça. D'accord. Bon. Mais je t'en parlerai pour vraiment... je donnerai les dates, je donnerai tout ça. Oui, oui, oui, oui. Puis on tiendra à informer les auditeurs parce qu'ils attendent tous de le revoir, quoi. Ils attendent tous de le revoir parce que tout le monde n'est pas venu à Olivet, tout le monde n'est pas venu à la Nouvelle-Ève, mais tout le monde en a entendu parler. Donc forcément, on attend. On attend de savoir quand Rémi reviendra pour des concerts. Ça va être très, très vite annoncé. Et on a ce plaisir, en plus, d'avoir mis en ligne cette chanson Molière. Qui est un cadeau mais tombé du ciel. Je pense que si on veut être un peu comme ça, je pense que c'est Johnny qui envoie des signes, mais c'est pas possible, quoi, parce que ce côté osmose avec Gérard Layani, avec Sandrine Décembre, qui a partagé Rémi, moi j'ai fait que les mettre en relation les trois, et ça a été vraiment un moment magique, et c'est pour ça qu'on a une chanson qui est tellement belle et qui est tellement tellement précise, avec l'ambiance de Johnny derrière, quoi. Exactement, exactement. Bah, écoute, merci Robert de nous avoir consacré un petit peu de temps pour cette interview. Et puis, merci pour les bonnes nouvelles sur les prochains concerts qui arriveront dans le deuxième semestre, on va dire, dernier trimestre même de l'année 2024. En tout cas, on ne manquera pas de faire les infos, de circuler les infos par rapport à ces dates. Merci à toi et puis on va continuer l'émission avec l'interview de Sandrine Décembre et Gérard Layani, les compositeurs de cette chanson Molière quand même. Et merci à vous deux pour animer cette radio et en plus vous nous faites écouter des titres qui sont des fois certains ont oublié comme celui qu'il y avait juste avant là. C'est ça. Et merci encore parce que c'était vraiment génial. Ben oui, c'est ce que j'aime faire dans cette émission, c'est pas écouter les chansons qu'on entend tout le temps. C'est ça. Donc voilà, c'est aller fouiner un petit peu dans le répertoire, mais on en a tellement de chansons que on a de quoi se faire plaisir pendant des émissions bien nombreuses. Au répertoire. Voilà, exactement. Eh bien écoute Robert, à tout bientôt et puis bonne soirée à toi et merci pour ce passage pendant l'émission sur la route avec toi Johnny sur Radio Web Passion. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à toi. On va écouter une autre chanson. On écoute l'interview de Sandrine Décembre qui a composé Quand le rideau tombera sur lui. C'est Eric Bamy d'abord. Exact. Aux premières lueurs du matin. Avec Eric Bamy, Sandrine Décembre et Eric Bamy. Il sait d'avance ce qu'on dira de lui. Alors ce soir, il vous prévient. Je veux pas devenir un mausolée, ni un monument historique. Thank you. chair de la radio, c'est notre passion. En ligne, Sandrine Décembre. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Annie. Mais je comprends que Johnny ait été charmé par votre voix. Ah. Lui qui aimait tellement les jolies voix de femmes et d'hommes aussi d'ailleurs. Je comprends parce que vous avez une voix extraordinaire. Mais merci, merci. Alors je suis ravie de vous avoir en direct sur la radio Web Passion pour mon émission Sur la route avec toi Johnny, pour cette magnifique chanson Molière qui vient de sortir sur tous les plateaux, cette chanson qui était normalement destinée à Johnny Hallyday. Alors avant de parler de cette chanson, sur l'écriture de cette chanson, puisque vous en êtes l'auteur, j'aimerais auprès des auditeurs que vous vous présentiez un petit peu, vous disiez un petit peu aux auditeurs qui vous êtes, ce que vous avez fait un petit peu jusque-là, et après on en arrivera au fait de l'écriture de cette chanson, comment c'est arrivé et comment ça s'est passé après. Voilà, si vous pouvez un petit peu vous présenter auprès des auditeurs. Oui, alors moi je suis journaliste de formation. Je travaillais pour le groupe donc Radio France. Je vous passe tous les détails de ma carrière. Et j'ai rencontré Johnny. Je devais avoir 25 ans. Oui, 25 ans. Et je souhaitais écrire un livre sur une personnalité. Et je cherchais une personnalité en me disant, je veux que quand j'aurai moi 50 ans ou 60 ans, je veux que cette personnalité soit toujours là ou qu'elle soit toujours au top. Donc c'était un peu complexe hein, de trouver ou d'imaginer ou de chercher un homme ou une femme sur lequel je puisse écrire. Parce qu'à l'époque, c'était pas toujours évident quand on était une femme de devenir rédac-chef. Et donc je me suis dit, tiens, pour mettre des billes en plus dans mon CV, je vais essayer d'écrire un livre sur une personnalité. Alors j'étais passionnée de politique. Donc j'ai observé les personnalités politiques qui pouvaient me plaire. Et puis dans cette observation-là, complètement par hasard, je suis tombée sur les Lettres françaises, donc un journal paru en 64. Le rédacteur en chef était Aragon, et Elsa Triolet, qui était sa compagne, qui était une auteure extraordinaire, une femme incroyable, avait fait un article, deux ou trois pleines pages, sur Johnny Hallyday. Et donc, en lisant, parce que je travaillais sur un homme politique à ce moment-là, je cherchais l'inspiration autour d'un homme politique, et j'ai lu. Et j'ai lu Elsa Triolet, qui parlait de Johnny Hallyday. Et incroyable. C'est lui. C'est tellement beau ce qu'elle écrit. Alors, je vous invite à le lire et je pourrais vous donner le lien parce que j'ai lu ce texte que j'ai enregistré sur mon SoundCloud d'Elsa Triolet, cet article. Donc, je pourrais vous donner le lien si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ce type-là que je veux rencontrer. Et Elsa Triolet, cette auteure incroyable, expliquait que, oui, en l'an 2000, on entendrait encore parler de Johnny Hallyday, de cet homme que j'ai vu sur scène. Elle était complètement emballée. On se retrouvait dans les Lettres françaises avec un article incroyable, très bien écrit, rythmé. Elle racontait le concert, on était dans le concert, là, elle parlait de la musique trop forte, de l'Olympia. Enfin, et je me suis dit, oh là là, mais jamais j'aurais imaginé m'intéresser à cet homme-là. Et après avoir lu, parce que pour différentes raisons, hein, et Johnny était le premier à le savoir, j'écoute beaucoup de jazz. Donc j'adore le jazz. Donc pour moi, Johnny, j'aime beaucoup le blues aussi. Donc ça nous a beaucoup rapprochés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, mais Johnny, c'était tellement loin de ma culture. Et puis même ses habits, ses vêtements sur scène, je l'adorais. Hein. Mais oui. Jusqu'au bout, quand il arrivait sur scène, je disais, oh, quand même, qu'il apprécie. Mais en fait, alors moi, je l'aimais bien quand il était habillé avec un... Il avait un très, très long manteau en cachemire, marine, très, très classe. Et j'aimais beaucoup quand il mettait ce manteau en cachemire marine, un t-shirt blanc, un pantalon noir, il avait une très jolie ceinture et de jolis souliers. Alors, je le trouvais très, très, très charmant. Et je trouvais qu'il était très élégant. Alors, il me disait toujours, mais tu vois bien, je ne peux pas monter sur scène comme ça. J'aime bien d'autres tenues. Je ne peux pas faire un concert en t-shirt blanc avec un pantalon noir. Et... Alors, j'étais toujours, mais pourquoi tu ne ferais pas ça un jour? Quelque chose d'acoustique avec un pantalon noir, un t-shirt blanc et juste toi. comme ça, une guitare, ta voix. Oui. Alors, je sais pas, j'imaginais ça toujours. Mais je trouvais quand même élégant, fantastique quand il montait sur scène. C'est des concerts de plus de 2 heures parfois. Ah oui. Et je dis, mais alors les gens me disaient, mais oh là là, tu as écrit un livre sur une personne qui est comme ça, regarde, qui connaît pas la définition de tel mot. Mais peu importe, ou qui prend de la drogue. Je dis, mais prenez de la drogue, vous, et montez et faites 300 concerts par an pendant 2h30 chaque soir. Oui, c'est vrai. Ok, et on en reparlera. Donc je le trouvais très courageux. Je trouvais qu'il faisait super bien son boulot. Il travaillait beaucoup. C'est des qualités, en fait, quand je l'ai rencontré, qui ont permis de tisser un lien. Parce qu'au début, ce n'était pas gagné. Je l'ai rencontré dans une caravane. Il avait bu. J'étais complètement pétée. Moi, j'avais 25 ans et je suis très cadrante. Et je suis limite parfois ennuyeuse. Moi, j'ai donné le cours à mes étudiants. J'ai des amphis de 350. Il faut fermer la porte. Derrière soi, on est poli, on me vouvoie. Bah, voilà, j'aime bien les cadres. Voilà, pour moi, c'est important, ça construit la vie. Et avec Johnny, c'était l'inverse. c'était porte ouverte sur l'infini, quoi. Mais oui. Je me suis dit, mais c'est qui ce Lascar ? Comme ça, cette façon de parler. Alors, il cherchait ses cigarettes, il ne les trouvait pas parce qu'il était bourré. Mais elles étaient derrière lui. Alors, je lui ai dit, regardez, vos cigarettes sont derrière vous. Alors, je suis finie par les lui donner, elles étaient sous ses fesses presque. Et donc, on a discuté, on avait deux mondes qui semblaient différents, mais qui, au fond, n'étaient pas autant que ça, parce que Johnny était quelqu'un de très cadrant, très cadré, très organisé dans sa tête, et je pense qu'il était certainement même plus que moi, parfois, parce que parfois, j'aime bien boire, faire la fête, et il faut que je fasse attention, mais lui était bien, bien plus cadrant que moi, et jusqu'au bout, et d'ailleurs, c'est lui qui a trouvé le titre de mon livre. C'est lui qui a structuré mon livre. Parce que moi, c'était mon premier grand livre. Hein. C'était, quand je dis grand livre, il était grand taille, avec une couverture thermoformée. Et puis, mon idée, c'était d'expliquer comment fonctionne une tournée française. Oui, comment fonctionne une grande tournée française. Les backliners, le son, comment ça tourne, quel chef d'entreprise tu es. Donc, quand je suis arrivée avec toutes ces questions, lui bourré, eh bien, on a bien ri. Hein, au bout du compte. Au départ, c'était mal barré parce qu'il m'a dit « t'es belle ». Et moi, je lui ai dit, toi, vous avez bu. Okay. Et il m'a dit, mais oui, alors si tu me dis que j'ai bu, donc vous êtes un alcoolique. Et il m'a dit, alors toi, t'es une pute. Je lui ai dit, non, je ne suis pas une pute. Il m'a dit, t'es belle, t'es blonde, tu peux avoir l'air d'une conne, pute. Donc, non, pas du tout. Il me dit, moi, je ne suis pas, méfie-toi. J'entends bien ce que tu me dis, je ne suis pas si alcoolique que ça. Par ailleurs, il y a une différence entre ivrogne et alcoolique. Donc, la conversation a démarré sur... Ouais, on était sur des conversations qui n'avaient plus de fin à chaque fois. C'était vraiment passionnant. Et il a beaucoup d'humour. Hein. Il avait beaucoup d'humour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque énormément. Voilà. C'est de Johnny Hallyday, ce qui me manque aujourd'hui, c'est son rire et surtout les blagues. Et les blagues qu'il faisait. Et puis, c'était un filou, en fait. Il mettait en place des situations inextricables. Enfin, c'était... Voilà. C'était un... Un chef d'orchestre de situation improbable. Donc, il avait un petit côté metteur en scène de la vie des autres. Ça, c'est un côté qui pouvait être un peu plus, je pense, difficile à vivre quand on le... Par exemple, pour une femme, pour des enfants, quand on est proche ou très proche, même ami, hein, ça devient compliqué. Ou même une connaissance, parfois, il était... c'était un coquin, quoi. Donc voilà, on a démarré comme ça dans cette caravane. Et puis, c'était au Havre. Il y avait beaucoup d'eau. Il pleuvait énormément. Et moi, j'avais une AX Sport. Donc, ça ne tient pas la route. Hein, parce que j'aime bien les AX Sport. Parce que ça faisait du bruit, beaucoup de bruit. Mais c'était tout petit et ça ne tenait pas du tout la route. Moi, j'aime bien les voitures qui font du bruit. Et au démarrage. Et en fait, je faisais de l'aquaplaning, quoi. Donc, l'un des chauffeurs de la tournée, a pris le volant de ma voiture et lui m'a demandé de venir dans sa voiture. Et j'ai dit non, je reste dans la mienne. Il dit mais va pas te la piquer. J'ai dit non, ma voiture, j'y tiens énormément. Donc. Et on a fait la route comme ça. Et en fait, c'est Johnny qui était derrière nous parce que mon AX Sport ne tenait pas la route. Et puis on est arrivé à Paris, il m'a proposé d'aller prendre un verre, j'ai refusé. Et ensuite, on s'est revus pour pouvoir parler du livre et puis voilà, poser le cadre. C'est-à-dire, moi, je voulais vraiment raconter le Johnny qui montait cette grosse machine. Comment il arrivait à convaincre Jean-Claude Camus, comment il arrivait à le mettre dans sa poche, à le charmer, comment il est arrivé à faire la tournée des vieilles canailles en continuant à charmer l'équipe, à jongler avec les productions, parce que c'est, voilà, il était très malin. Il pouvait achever quelqu'un en pleine nuit à 4h du matin, il avait sa peau en lui faisant dire oui, puis le lendemain il dit tu m'as dit oui, donc maintenant on le fait. Donc c'est quelqu'un d'un très bon négociateur. C'est lui qui a négocié l'éditeur pour mon livre. Et il avait vraiment la tête sur les épaules, quoi. Donc c'était très agréable de travailler avec lui. C'était comment le titre du livre ? Alors, il l'a trouvé, c'est dur de trouver le titre d'un livre, oui, même quand on est journaliste. Hein. Mmh. Et c'est lui qui l'a trouvé, et il l'a appelé Johnny, regard de fille. Mmh. C'est pas bête, hein ? Ouais, Six années après, je me permets de dire que c'est pas bête. Mais non, c'est pas bête, c'est vrai. C'est un titre qui est bien, vraiment. Et dans ce livre, j'ai, en l'écoutant chanter, jouer, je me suis dit, mais... Je vais écrire une chanson qui s'appellera Molière parce que à ce moment-là, il devait avoir une cinquantaine d'années. Moi, j'en avais la moitié moins. Enfin bon, bref, passons. Et il me dit, tu sais, petit à petit, le temps passe et tous mes amis sont morts. Alors, je lui dis, mais non, Johnny. Il dit, si, regarde, il y a telle personne, Carlos, il y a Tiki, etc. Je dis, ah oui, c'est vrai, finalement, t'as raison. Ils sont morts et c'est triste. Bon. Il m'a dit, tu verras quand tu auras mon âge. Donc, c'est l'âge que j'ai aujourd'hui. Nos amis disparaissent et c'est difficile, quoi. Et puis, on parlait de la mort, parce qu'on était un peu glauques tous les deux, je crois. Enfin, à 25 ans, on n'a pas peur de mourir, donc on en parle tout le temps. Lui, il était un peu... voilà, on se déchargeait là-dessus. Et donc, j'ai écrit Molière qui raconte l'histoire d'un homme qui dit « Quand le rideau tombera sur moi, finalement, aux premières lueurs du matin, je sais tous là, vous, ce que vous allez dire de moi. En gros, ça va être le bordel. Mais ce soir, les gars, je vous préviens. » Et ça dit, voilà, la chanson que vous connaissez, je ne veux pas devenir un mausolée, hein. Je ne veux pas devenir un monument historique. Moi, je préfère partir dans la foulée d'un solo de guitare électrique, quoi, debout, la seule, la vraie, la plus fidèle, quoi, qui ne m'est jamais abandonnée. Quoi. En fait, c'est cet amour de la scène, cet amour du public, et dire, voilà, je préfère partir auprès de vous. Alors, c'est une chanson difficile, parce que quand on a 50 ans, qu'on a peur de mourir, comme nous tous, on est un peu, voilà, c'est difficile. Et le refrain, c'est ça, c'est... Grandir, finalement on grandit, vieillir, c'est ce qui nous arrive, mourir, et pire, parce qu'on peut mourir, mais on peut mourir de maladie, dans la difficulté, ben, c'est ça le pire dans mon texte. Et ben, c'est pas facile, fallait prévenir, finalement vous auriez pu nous prévenir, et quand la vie m'aura trop donné, j'aimerais comme Molière être à vos côtés. Alors, Molière n'est pas mort sur scène, mais c'est pas grave, tout le monde le croit, donc Molière m'allait très bien. Mmh. Et puis c'était cette chanson-là. Et après, donc, la musique, j'ai demandé à Gérard Layani, parce que Johnny m'a dit, demande à Gérard Layani, j'ai eu le téléphone de Gérard, j'ai appelé Gérard, et puis, il a écrit Requiem pour un fou, mais beaucoup d'autres chansons. Oui. Et Gérard s'est intéressé à la chanson. Je ne sais plus si Johnny avait donné ses coordonnées ou les coordonnées de quelqu'un d'autre. En fait, là, j'ai un doute. Peu importe. Je me trouve sur le chemin de Gérard, qui est très intéressé par la chanson. La chanson est déjà parue dans mon livre. Et il fait la musique. Et je lui dis, on va faire la voix par Eric Bamy. Mm. Je lui dis non. Johnny me dit, on va faire le lead, comme ça on aura le lead par Eric. Et puis Christophe Dupeux, son harmoniciste de l'époque, fait l'harmo. Donc voilà. Donc c'est la version que je vous ai envoyée, qui est sur une cassette, qui n'existe plus nulle part. Oui. Et elle est sur une cassette chez moi, et donc je l'ai enregistrée avec mon téléphone. Je l'ai mis à l'époque sur SoundCloud, donc ça date d'il y a quelques années. C'est celle que je vous ai envoyée, elle est sur cette version qui est pourrie. Mmh. Si vous pouvez la décroter un peu, pour en passer un extrait, parce qu'en fait, c'est la voix d'Eric Bamy. Mmh, c'est ça. Voilà, et c'est ma voix à l'époque, et la voix d'Eric Bamy, et l'harmo de Christophe Dupeux. Christophe Dupeux, un harmoniciste, un amour grec exceptionnel. Greg exceptionnel. Voilà, Greg Zlap. Et Christophe Dupeux était... Lui aussi, un petit chat merveilleux, un harmoniciste vraiment exceptionnel. Et puis alors, Greg Zlap serait plutôt un guépard, comme ça. Okay. Voilà, mais c'est deux harmonicistes merveilleux. Et donc, on a fait tout ça grâce à Johnny, évidemment, qui me coachait, me dirigeait. Quand on a dit que j'ai fait une partie de la com de Johnny, je dis à tout le monde, non, non, non, c'est Johnny a fait ma com. Et qu'un communicant me dise qu'il a fait la com de Johnny et qu'il vienne me voir. Tous ceux qui disent des choses pareilles, je ne les crois pas. Parce que Johnny était suffisamment intelligent, suffisamment malin, suffisamment chef d'orchestre, chef indien, pour savoir où il allait et pour orchestrer lui-même ses propres communications. Oui, oui, oui. Moi, je n'étais... Les gens qui ont travaillé pour lui étaient... Alors moi, j'étais... Je vais dire pour moi, pour ne pas blesser les autres, mais j'étais une petite main. Et j'en suis fière. C'était très bien. En plus, quand on a un boss comme lui... Oh là là, si... non, allez, c'est formidable. Mais oui, hein, c'est sûr. Il était tellement intelligent. Travailler pour alors Johnny, voilà, je ne suis pas fan, hein. Dans le bouquin on le dit, hein. J'ai jamais été fan de Johnny. Mais par contre, je parle de l'homme avec lequel j'ai réalisé un livre, avec lequel j'ai travaillé, j'ai réfléchi sur des choses. Cet homme-là, c'est l'homme dont Frédéric Quinonero, qui a écrit ce livre sur Johnny et les femmes, il a rencontré des femmes qui ont vécu avec Johnny, il a rencontré Lynn Renault dans ce livre Johnny et les femmes, et il a souhaité faire un chapitre sur moi. J'ai dit ok, parce que là on a parlé du travail. Moi j'ai travaillé avec Johnny, alors, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup bu, c'est surtout lui qui m'a fait beaucoup boire. Non, c'est une blague, parce que j'adore boire le cognac, et je suis la première à lever le coude, donc je ne peux pas tout lui mettre sur le dos non plus. Mais c'était surtout le travail, moi j'aimais beaucoup le bosseur qu'il était. Et donc, on a eu cette chanson, cette cassette. Alors, il avait un club de sport dans le sud de Paris, non loin de la Porte des Ternes, bon, bref. Et puis, je lui ai apporté la cassette, à l'époque, dans une espèce de Walkman. C'était l'époque. Hein, c'était... Et on a écouté avec la voix d'Eric, et voilà. Et c'était fantastique. Et il y a eu une lumière sur cette chanson. C'était un moment extraordinaire. Ça nous a beaucoup liés. Et là, il m'a dit, ta chanson, c'est un costard. J'aime bien cette expression. Et un costard, j'ai appris ce que c'était. Un costard, ça veut dire que c'est taillé sur mesure. Mm. C'est quand on fait une chanson pour un artiste et qu'elle est faite sur mesure, il n'y a que lui qui puisse la chanter. Mm. Au fond, ça s'appelle un costard. Donc là, Rémi a repris cette chanson qui est un costard pour Johnny. Mm. Et Rémi sait qu'il porte le costard, pour le coup. C'était une chanson costard, c'est parce que Johnny qui l'a dit. Comme ça que j'ai appris ce mot dans ce contexte-là. Et puis... Ensuite, la chanson, eh bien voilà, elle nous a apporté beaucoup de bonheur parce que c'est une chanson que j'aime énormément et qui raconte aussi pour partie l'histoire d'un homme et de sa passion pour la scène et pour son public et pour les gens qui venaient le voir, ce lien extraordinaire avec son public. Et aujourd'hui, on le voit. Le public de Johnny, c'est une histoire d'amour incroyable et c'est l'une des plus belles histoires d'amour. Ça, c'est elle est inégratignable, quoi. Ça, c'est sûr. À tout un tas de générations, parce que aussi bien pour ceux qui le suivent depuis 50 ans, 40 ans, mais maintenant des jeunes et même des enfants qui sont baignés dans l'esprit alidéen, et ça fait plaisir de pouvoir continuer à le faire vivre. Cette chanson, c'est sûr, hein, comme nous l'a dit Rémi tout à l'heure, il est très très honoré et très heureux de pouvoir la chanter, de se mettre un petit peu dans la peau de Johnny, justement en se disant sans arrêt, c'est lui qui aurait dû la chanter, c'est moi qui la chante, donc c'est un honneur pour lui. Je pense qu'on va vraiment apprécier, les paroles sont très jolies, moi je l'ai écouté un petit peu en boucle là, les paroles sont vraiment effectivement collées à Johnny, ça c'est sûr. Oui, puis la musique de Gérard, qui est Gérard Layani, c'est un vrai mélodiste, quoi, je trouve. Et ce serait bien que Gérard continue à composer encore et encore. Et c'est vraiment quelqu'un qui est... Alors, quand on écoute Requiem pour un fou... C'est fantastique. Hein. Oui. Donc voilà. Super chanson qui va être prise par David Hallyday, justement. Donc ça va être magnifique. Oui, tout à fait. Par David. Et puis, c'est vrai. C'est bien que les chansons, c'est important que les chansons comme ça s'inscrivent et passent les années, le temps. Et ça, une chanson, ça permet d'envoyer beaucoup de messages. Exactement. La musique. C'est quelque chose qui répare les gens, c'est quelque chose qui aide, c'est quelque chose qui enveloppe l'autre, c'est quelque chose qui nous permet de tenir debout. Voilà. Et donc, c'était un homme debout. Et même quand les épreuves étaient difficiles, quand il était malade, quand c'était difficile, la vie pour lui, il était toujours debout. Alors, je ne veux pas m'avancer sur ce point parce que qui je serais pour dire ça, mais je crois qu'il est mort debout. Enfin, en tous les cas, ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit levé pour être debout. Mmh. Voilà, c'est quelqu'un qui était sur scène et qui était entouré, même à son dernier moment, je suis certaine, de l'amour de sa famille, mais aussi de son public. C'est un lien qui est tellement fort, qui vous enveloppe. Donc voilà, moi je suis ravie que Rémi interprète cette chanson. Je suis toujours surprise parce que j'ai entendu interprété par Eric. J'ai entendu interpréter par Denis qui s'amusait à la chanter, etc. Donc ça, c'était voilà. Donc et puis après Rémi, et c'est très bien. Ça me plaît beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, Rémi. Oui, oui. Qui a très jolie voix aussi et qui incarne bien Johnny, c'est sûr. Oui, qui est volontaire et qui, je crois, est passionné de Johnny depuis de nombreuses années. Ben oui. Il essaie de faire des shows, enfin il fait beaucoup de shows même, je crois, au Québec, impressionnants. Et on avait fait la Nouvelle Ève, et à la Nouvelle Ève, j'étais venue voir un spectacle, le spectacle de Rémi Langlois, et il avait voulu interpréter Molière. Et ce qui était très étonnant, parce que ça a été filmé, c'est que donc j'ai dit les premières paroles, quand le rideau tombera sur lui, etc., première lumière du matin. Et donc, à la fin, on voit toutes les lumières qui change, vous savez, l'électricité qui fonctionne plus, qui module un peu comme ça. Et Rémi veut commencer la chanson, il n'a plus de micro, plus d'électricité, toutes les lumières s'éteignent. Et alors, on a dû reprendre la chanson. Et puis, il y a eu en fait un problème de réseau, comment ça s'appelle, électrique, d'intensité électrique sur deux rues. Donc, c'était, d'après ce que j'ai compris, l'intensité électrique a baissé et donc c'est filmé, tout le monde était un peu impressionné et moi j'étais pas impressionnée du tout, ça m'a beaucoup fait rire parce que je trouvais ça amusant que ça se produise là, à ce moment-là, sur une chanson telle que celle-ci. Mais oui. Je sais, c'est drôle que tout à coup il y a un problème avec le système électrique de la Nouvelle Ève et puis je crois autour, c'était quelques rues autour. On n'était pas que la Nouvelle Ève à avoir eu ce problème, ça a duré quelques secondes. Puis on a pu reprendre, moi j'ai pu recommencer le début du texte, et puis Rémi a pu interpréter Molière sur scène. Donc voilà, alors mon histoire elle passe à travers Johnny. Je vous ai plus parlé du lien qui nous a tissé à travers le temps. Ensuite, moi je suis repartie en Franche-Comté, et quand j'étais en Franche-Comté enseignante, j'étais toujours en contact avec Johnny et avec Robin. Et Robin et Johnny ont même organisé une masterclass pour mes étudiants de l'Université de Franche-Comté. Sympa. Il y a quelques années. Et puis après, je suis revenue à Paris. Et quand je suis revenue à Paris, malheureusement, Johnny n'était plus là à Marne-la-Coquette physiquement, on va dire ça comme ça. Parce que je suis sûre qu'il est très très présent encore et que de temps en temps il va mettre son nez, il s'amuse des choses. Et puis j'ai mon fils qui a 19 ans aujourd'hui qui a bien connu de ce fait Laetitia et Johnny dans le temps parce qu'on les voyait en tournée. Il m'a dit alors, quand on s'est installé à nouveau à Paris, il m'a dit ah, tu vois, c'est quand même bien dommage qu'il soit mort. Parce qu'on n'est pas bien loin maintenant. Parce qu'en fait, on allait le voir quand il venait à Strasbourg, moi j'étais en Franche-Comté, à Besançon, à Dijon, à Paris, pour les vieilles canailles. Voilà. Mais c'est bien dommage quand même. Je dis oui, c'est comme ça. Mais oui. C'est la vie. La vie est ainsi faite. Donc, il a bien traversé la vie avec son public. Et son public va le voir. Ça, c'est formidable. Bien sûr. Ça, c'est un effort financier. Mais on est toujours présent, il n'y a pas de souci. Mais ça leur permet de faire un beau voyage. D'aller voir Johnny et de voir de beaux paysages aussi. Ça, c'est beau, quoi. comme histoire, je trouve aussi. Mais oui, c'est très très beau. Ben, merci Sandrine pour nous avoir parlé de ce cheminement de cette chanson Molière. Pour terminer cette interview, vous aviez l'intention de nous parler de quelqu'un en particulier qui était éclairagiste de Johnny à l'époque, de Régis Vigneron. Régis Vigneron, c'est l'éclairagiste de Johnny. Voilà. Il a travaillé longtemps avec Robert Hollis. Voilà. Régis, c'est un homme extraordinaire. Par contre, son petit garçon, voilà, Tom est atteint de la maladie de Pompe. Voilà. Et la maladie de Pompe, c'est pas facile du tout. Il faut porter Tom, l'accompagner. Sa maman est une femme extraordinaire comme l'était son papa, Régis. Et elle a fait un groupe Facebook qui s'appelle « Courir pour Tom ». Alors, pour essayer d'aller sur la page de Tom... Courir pour aider, Tom. Voilà, courir pour Tom, pour essayer déjà de soutenir sa maman et de... Oui, et envoyez-lui plein de messages sympas. Voilà. Et puis après, si vous avez 1 euro, 2 euros, 3 euros, il y a un lien... Et si vous pouvez donner un peu quelque chose, elle en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et vous aiderez Tom, qui est devenu un grand garçon maintenant, mais qui est malade. Donc, c'est important. Et puis, Régis, elle dit des paillettes dans les yeux. Ah oui. Il vous a mis des paillettes dans les yeux. Pendant et puis, regardez la vie de Tom, vous apprendrez à le connaître. À connaître sa maman. Et puis, il y a le lien, si vous pouvez donner un tout petit peu, ce serait... Il n'y a pas de souci, on va partager ce lien pour Tom. Et puis, pour Tom, le fils de Régis Vigneron, qui était donc éclairagiste de Johnny aux côtés de Jacques Roubérolis et de Loulou. Justement, oui, emmené dans les airs alors que j'ai le vertige, cette grosse banane. Oui, tout à fait. Alors quand je dis grosse banane, c'est tout cœur. Hein, quand je dis grosse banane, c'est vraiment sympathique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'ai le vertige, mais c'est Johnny qui m'avait dit, fait l'expérience. Oh, c'est extraordinaire. Être éclairagiste, c'est très difficile hein, comme métier, très difficile. Mais oui. Ouais, et Loulou était le meilleur. Ben oui. On connaît bien Loulou, Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sandrine, pour ce partage, pour ce moment délicieux à vous entendre expliquer un petit peu à la fois votre rencontre avec Johnny, à la fois l'écriture de ce livre dont il avait choisi lui-même le titre du livre, hein, « Johnny, regard de fille », qui était publié chez Hachette. Et puis après, cette écriture de la chanson Molière, l'enregistrement de cette chanson sur cassette par Éric Bénie. Alors, j'ai oublié une chose, il a trouvé Molière, en fait. Au départ, je ne l'avais pas appelé Molière, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Je l'avais appelé 20 ans dans mon livre. Appelé 20 ans. D'accord. 20 ans. Oui, vous revérifierez dans mon livre, je ne m'en souviens plus. Oui. Mais je ne l'ai pas appelé Molière. Molière, c'est Johnny qui a trouvé le titre. Eh bien. Parce que j'avais mis Molière dans ma chanson, mais lui m'a dit pourquoi ne pas l'appeler Molière ? Ce qui était beaucoup plus... Mais vérifiez, hein. Oui, je vérifie. J'ai pas mon livre sous les yeux parce que j'en ai plus, je l'ai offert et j'ai plus mon propre livre. Mais c'était 20 ans. Et c'est lui qui m'a dit pourquoi tu l'appelles pas Molière. Et donc je l'ai rebaptisé après, quand je l'ai déposé à la SACEM, Molière. Super. Voilà. Mais très belle histoire en tout cas. En tout cas, je vous remercie sincèrement au nom des auditeurs pour ce moment, ce très très bon moment passé ensemble à l'antenne. Merci à vous Annie et Sébastien. fait 100 fois vivre l'enfer, ne me laissant qu'un goût amer, qu'un goût amer leur tormenter comme leur cœur, jouant le rire, trichant les pleurs, et elles s'offraient sans se donner sans s'abandonner, s'abandonner. L'amour, je suis le Radio Web Passion. Radio Web Passion, la web radio du Loiret à Sercotte. Et oui, vous êtes bien sur Radio Web Passion avec une interview. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis hyper émue d'avoir eu Sandrine Décembre au téléphone en interview. C'est quelqu'un de très très intéressant. C'est une personne vraiment qui a plein d'expériences, qui nous a appris plein de choses par rapport à Johnny. Ça a l'air de rien, mais c'est encore un petit bout de la vie de Johnny qui nous est délivré là par Sandrine. J'avoue que j'ai eu un message tout à l'heure qui disait bien les choses. On n'imagine jamais la valeur de tout ce que représentait Johnny, tellement c'est énorme. Et oui, c'est Eric qui nous écrit ça. Et c'est vrai, on a l'impression d'en apprendre encore sur Johnny, de ne pas tout savoir. Pourtant, bon, on en a fait quand même beaucoup le tour, mais non, il y a encore des choses. C'était passionnant, vraiment, Sandrine, je vous remercie. Je suis très touchée et je reçois pas mal de messages d'auditeurs là pendant l'interview qui n'en revenaient pas de ce que vous pouviez nous raconter. Alors, cette chanson, oui, voilà, que Sandrine avait donc écrit dans son livre, hein, le livre dont Johnny avait choisi lui-même le titre, hein, Johnny regarde fille. Et cette chanson était écrite dans le livre, mais Sandrine l'avait appelée 20 ans. Et c'est Johnny qui, en discutant avec Sandrine Décembre, dit « Mais pourquoi tu ne l'appellerais pas Molière ?» Voilà, c'est une très belle histoire, cette chanson, en fait. J'imaginais pas, quand je l'ai entendue la première fois, qu'il y aurait toute cette histoire autour de cette chanson et tellement intéressant. Vraiment, merci, merci Sandrine. Alors, je voudrais revenir sur la fin de cette interview avec Sandrine, qui souhaitait nous parler de Tom, hein, de Tom, le fils de Régis, hein, qui était éclairagiste de Johnny avec Jacques Rouvéroulis et Loulou. Hein, on fait un petit coucou à Jean et Nini, hein, Nini, la fille de Loulou. Et donc, qui souhaitait que l'on parle de Tom, hein, cette page Facebook qui lui est destinée, Courir pour Tom. Je mettrai le lien de cette page sur la page Facebook du nom de l'émission Sur la route avec toi Johnny. Je la mettrai tout à l'heure à la fin de l'émission. Si vous pouvez aller mettre des j'aime, si vous pouvez aller parler avec la maman de Tom, elle ne demande que ça. Vous voyez, Sandrine nous l'a expliqué, qu'elle a besoin de soutien, ne serait-ce que parler. Et puis, si vous pouvez faire un petit don pour aider, déjà aller visiter la page, voir un petit peu. Ben, effectivement, Tom a quand même une maladie qui est quand même assez, assez grave. Et voilà, pour Régis qui souhaitait que quelque chose soit fait pour son fils, eh bien voilà. Si vous pouvez aller sur cette page, je vous mettrai le lien. Et merci Sandrine de nous avoir parlé de Tom, parce que c'est important aussi de pouvoir soutenir les gens qui en ont besoin. C'est comme ça que Johnny voyait les choses, soutenir ceux qui sont dans la peine et faire ce qu'on peut faire à notre mesure, selon nos moyens. Voilà, donc merci encore Sandrine, j'espère que vous avez apprécié comme moi ce moment. On va écouter à nouveau la chanson Molière. Là voilà, ça y est, on s'est bien imprégné de cette histoire, on a bien vu comment cette chanson est née, on a vu comment elle s'est véhiculée. Tout à l'heure, on a écouté la chanson Molière, mais avec la version de la cassette avec Éric Bamy. C'est collector, moi je vous le dis, c'est collector, c'est incroyable de pouvoir encore entendre ce genre de morceaux collector comme ça. Et bien là, on va réécouter Molière en étant beaucoup plus posé sur cette chanson, toujours avec Sandrine Descembes qui commence avec les paroles et après cette chanson interprétée majestueusement par Rémi Langlois. Après, on enchaînera directement avec l'interview de Gérard Layani, qui est compositeur de la musique de cette chanson Molière. On écoute. Quand le rideau tombera sur lui, aux premières lueurs du matin, c'est d'avance ce qu'on dira de lui. Alors ce soir, il vous prévient. Et pas devenir un mausolée, ni un monument historique. Je vais faire partir dans la foulée de solo guitare. Yeah. juste ce soir pour cette fameuse, cette très belle chanson Molière. Nous avons eu en direct Rémy Langlois, que nous avons eu de Floride. Hein. Rémy Langlois qui a l'honneur de chanter cette belle chanson. Nous avons eu aussitôt après Sandrine Décembre, qui est l'auteur de cette chanson, qui a écrit les paroles de cette chanson. Et bien maintenant, nous avons l'honneur d'avoir Gérard Layani, qui a composé la musique de cette chanson Molière. Bonsoir Gérard. Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis vraiment ravie. Merci de nous accorder du temps pour nous parler de cette chanson. Mais avant de parler de la chanson, j'aimerais pour les auditeurs qu'on te présente un petit peu. J'ai quelques petites infos comme ça. En fait, tu es né à Paris, tu es auteur, compositeur, interprète. Oui, tous les défauts. Voilà. Non, tous les défauts. On aimerait bien avoir ce défaut-là. Hein. Je crois qu'on serait, serait tous heureux d'avoir ces défauts-là. Alors, par rapport à Johnny, on peut dire tout de suite que tu as écrit, t'as écrit beaucoup de chansons, évidemment, mais que tu as écrit notamment la musique de Requiem pour un fou. Alors ça, absolument. J'en suis très honoré, très fier. Ah bah oui, c'est une sacrée carte de visite, hein, franchement. Ben, en fait, Johnny, je lui ai écrit 4 titres. Oui. Enfin, il y en a d'autres qu'il a écouté, qu'il n'a pas enregistré, mais enfin les 4 qu'il a enregistré, la plus connue étant Requiem pour un fou. C'était sur l'album de Derrière l'amour qu'avait produit Jacques Revaux à l'époque, qui était producteur de Michel Sardou. Et ça marchait très très fort. Et Jacques a eu l'intelligence, fermer les guillemets, d'ouvrir un petit peu le panel des jeunes auteurs compositeurs de l'époque autour de lui. J'en faisais partie. Et donc j'ai eu la chance d'avoir 3 titres sur cet album. Voilà. Super. Il y avait Requiem, il y avait Les Chiens de Paille, qui est devenu aussi la phase B du 45 tours. Oui. Et il y avait un certain Michel Mallory, oui. qui était un petit peu en froid à l'époque et qui m'a appelé en me disant « Écoute, j'ai un texte, là, peut-être que tu peux faire la musique. » Et ça s'appelait, et ça s'appelle toujours « Rendez-vous en enfer ». Et Johnny l'a enregistré, voilà. Ah bah super, c'était 3 magnifiques chansons sur le même album, c'est génial. Voilà. Et quelques années plus tard, on a remis ça. Gilles Thibault m'a envoyé un texte qui s'appelait « Chez Madame Lolita » que j'ai mis en musique et que Johnny nous a enregistré dans les années 80, je crois. Voilà. Ah, génial. Alors, oui, c'était magnifique. Ouais. Pour essayer de remonter un petit peu plus loin, pour te situer dans ton histoire de vie, très jeune, enfin tout jeune, quand tu avais à peu près 16 ans, tu as côtoyé les chats sauvages, les chaussettes noires, les vautours et les lionceaux quand même. Quelle belle rencontre. Côtoyer, c'est un grand mot. Je ne voudrais pas avoir l'air d'être ce que je ne suis pas. À savoir que, en fait, on était avec mon frère William, qui était l'instigateur, ce qui a été le précurseur de la musique dans la famille. Hein. On était une famille de 8 enfants. Ah oui. Et William, dans les années 60, a amené une guitare à la maison et on se bagarrait pour en jouer. Quoi. Eh oui. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est qu'on a monté un groupe de twist, comme beaucoup de jeunes de l'époque, des années 60. On a fait les concours du Golfe de Rouault, de la Fête de l'Humanité. Enfin bon, on ne gagnait jamais, mais on participait et on apprenait surtout à se servir de nos instruments. Et ça a été le début comme ça d'un apprentissage sur un instrument. Et ensuite, moi, j'ai eu envie de faire des chansons pour me singulariser, on va dire. Voilà. Ah oui, tout à fait. Alors plus tard, chez Vogue, avec Alain Boublil, responsable des éditions, te propose d'écrire pour quelques artistes. Voilà. Donc, en fait, chez Vogue, j'ai fait mes premiers 45 tours, j'avais 17-18 ans. Oui. Donc c'est mon père qui était venu signer mon contrat d'artiste, parce que j'étais mineur à l'époque. Ben oui. Et au bout de 2 45 tours, Alain Boublil, qui était des responsables des éditions Vogue, m'a proposé d'écrire pour les autres chanteurs de chez Vogue. Et j'ai trouvé que c'était un challenge formidable, parce qu'il fallait écrire dans tous les styles. Et oui, bien sûr. Et pour moi, c'était formidable comme challenge, écrire à la fois pour Antoine, pour Georgette Plana, pour Aimable. Petula Clark, Tino Rossi, Marie Laforêt, Sheila. Ben oui, plein. Hervé Villard, Nicoletta. Jean-François Michael. Ouais. Oui, voilà. Donc, dans tous les styles, j'ai écrit dans tous les styles. Ah oui, c'est une... Et ma grande fierté, si je peux vous couper la parole, bien sûr. C'est ma grande fierté, ça a été un soir d'arriver chez mes parents avec un 45 tours de leur idole, qui était Tino Rossi. Ah, bah oui. J'avais rencontré Tino Rossi grâce à Régine. J'avais montré des chansons à Régine et finalement, elle avait gardé une chanson. Elle m'avait dit, tiens, je t'ai pris rendez-vous avec Tino. C'était très, très gentil de sa part. Et donc, j'ai rencontré Tino Rossi. J'étais gamin, quoi. Et Tino Rossi qui enregistre ma chanson. Deux mois après, j'ai un 45 tours. Je mets ça sur la table de mes parents en leur disant, voyez, j'ai même écrit une chanson pour votre idole. Oh là là, ils devaient être fiers. Ils devaient être fiers de leur fils. Ah, c'était pas mal. Ah, bah oui. Oui, c'était pas mal. Alors, plus tard, vas-y. Non, je disais, ça donne confiance, surtout. Bien sûr que ça donne confiance. Quand on écrit pour des gens comme ça, forcément, on se rend compte de la valeur qu'on a, hein, forcément. Ben, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop au départ, on est un petit peu dans une nébuleuse, on est avec ses idées, avec ses fantasmes, avec ses envies. Mais par exemple, une anecdote, encore une, Marie Laforêt, par exemple, j'avais 18 ans. 18 ans, je réussis à avoir son numéro de téléphone, je l'appelle, je lui dis Madame Laforêt. Oui. Madame Laforêt, j'ai une chance, je viens d'écrire une chanson pour vous. Elle me dit, ça s'appelle comment? Et je lui dis, tu es laide. Elle éclate de rire. Alors je lui dis, mais rassurez-vous, ce sont les cœurs des hommes qui vous disent tu es laide et vous leur répondez. Eh bien, j'ai été la voir. Pardon. Elle habitait à l'époque rue Grenelle. Dans le 15e arrondissement à Paris. Ouais. Et je lui ai montré la chanson à la guitare. Elle l'a enregistrée 2 mois après sur disque festival. J'étais heureux comme tout. Je suis parti à l'armée. J'avais Marie Laforêt, Hervé Villard, Sheila qui avait enregistré une chanson à moi. J'étais heureux comme tout. Je savais ce que j'allais faire en revenant. Ah bah oui. Ah bah c'était tracé. Voilà, il fallait travailler. Simplement, il y a un monsieur qui a beaucoup compté aussi pour moi. C'est Franck Pourcel, le célèbre chef d'orchestre. Connu dans le monde entier, je ne sais pas si les gens s'en rappellent aujourd'hui, Franck Pourcel me disait, tu es doué, travaille. Il n'y a que ça de vrai. Quand on est doué, il faut travailler. Si on ne travaille pas, ouais. Ça ne sert à rien. De toute façon, le travail mène toujours à quelque chose de bien. Hein. Ah bah oui. Alors plus tard encore, tu participes en tant qu'interprète, cette fois-ci, à 2 opéras rock à succès. Je suis Christ Superstar en 1973. Jésus-Christ Superstar en 1973 et au Théâtre National de Chaillot. Et La Révolution Française en 1975 à l'Olympia. Ouais, l'Olympia, au Palais des Sports aussi, à Mogador. Ouais. Et à Mogador également, on l'a joué. C'était la Révolution française, je faisais Robespierre. C'était deux sacrées expériences. C'est des expériences formidables parce que je voulais justement me frotter un petit peu à cette discipline du théâtre chanté et j'avais pas trop d'expérience et en y participant parce que comme je faisais chanteur aussi donc je me débrouillais pas trop mal donc je passais les auditions et ça me plaisait quoi, c'était un challenge encore une fois donc quand on est sélectionné pour faire partie d'une comédie musicale on a confiance en soi quoi, voilà. Bien sûr, c'est la reconnaissance en plus. Voilà, dans Jésus-Christ Superstar, c'était au Palais de Chaillot, après ça a été à l'Olympia avec Daniel Beretta, Farid Dali, plein de gens qui ont fait carrière depuis. Ouais. Hein. Pareil. Super. Quant à la Révolution française, bon, bah, c'était avec Schoenberg, Claude Michel, il y avait dans cette équipe au Palais des Sports, on était 80 comédiens sur scène, avec le Martin Circus et Jean-Claude Petit et l'orchestre symphonique dans la fosse, c'était extraordinaire. Ah bah oui. Et dans le vivier des comédiens, il y avait Hervé Christiani, il y avait Bachung, il y avait plein de gens de ma génération qui s'escrimaient, qui s'essayaient à de nouvelles tâches, à de nouveaux rôles. Et les comédies musicales, ça permet justement d'aller un peu dans toutes les directions. Ah, génial. Vraiment. Oui, c'est une très, très bonne école. Oui, une belle période. En France, ça commence à fonctionner. Mais le genre a été orphelin pendant longtemps, malheureusement. Ah oui, c'est vrai. Alors, en 2005, tu reçois le prix René-Jeanne à la SACEM pour l'ensemble de ton œuvre. Oh là là, ça oui, là j'ai pris une claque. Hein. Ah bah oui, mais j'étais très honoré. Bien sûr. Bah, c'est-à-dire que oui, ça faisait quand même quelques années que j'écrivais pour tout le monde. Et, bon, ils ont décidé de m'honorer. J'ai été flatté. Mon père était encore présent. Il est venu assister à la cérémonie. Voilà, j'étais très heureux. Bah oui, forcément. Alors en 2017, tu ne t'arrêtes pas là, tu reçois la médaille de la SACEM pour tes 50 ans de chansons. Oui, exact. Oui, oui. Ben, ça, c'est un privilège quand on a dépassé le cap des 50 ans. Hein. Oui. On a droit à une médaille. Et en 2018, tu es président de l'Amicale des allocataires de la SACEM. Oui, ça, c'est autre chose. En fait, si vous voulez, quand on reçoit, il faut savoir rendre un petit peu. Et à la SACEM, il y a des commissions, des institutions, des cellules qui permettent d'aider les autres auteurs, compositeurs ou éditeurs qui sont parfois dans la difficulté. Et donc, vous avez le comité du cœur, par exemple, dont je fais toujours partie aujourd'hui. Vous avez des commissions qui sont chargées de vérifier les travaux de la SACEM au nom des autres auteurs-compositeurs. Donc, j'ai été dans des commissions du style de la commission des comptes, des choses comme ça. Mais j'ai aucun talent comptable particulier, si vous voulez. C'est simplement pouvoir aider, donner un avis extérieur. Donc, c'est valorisant. Ah oui, complètement. C'était deux belles... Oui, c'est très valorisant. Alors, venons-en à cette fameuse chanson Molière. Ah. Alors, comment ça s'est passé pour composer cette musique? Enfin, comment c'est arrivé? En fait, c'est Sandrine qui on en a parlé. Et d'ailleurs, il me semble que je ne me trompe pas. Je crois que j'ai collaboré à l'écriture du texte. Il me semble avoir fait ça aussi à l'époque. J'ai dû écrire quelques phrases dans cette chanson. Et on est parti sur une idée. En fait, Sandrine avait fait un livre sur Johnny. Oui. Qui s'appelle « Regard de fille », qui est un livre magnifique dans lequel elle interviewe, elle l'a côtoyé, elle a fait des choses magnifiques. Et à un moment donné, elle m'a envoyé un bout de texte et j'ai dû continuer. Et on a décidé d'essayer de lui montrer une chanson. Et c'était donc cette chanson-là. Mmh. On a écrit cette chanson-là, Molière. Bon, apparemment, il l'a peut-être écouté, il ne l'a peut-être pas écouté. Je ne voudrais pas répondre dans l'affirmative. En tout cas, ça a été écrit pour lui. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, si ça lui est arrivé ou pas, s'il a réfléchi à l'affaire ou pas. C'est resté dans nos tiroirs, quoi. Et puis, ça a dormi un petit moment. Et puis là, récemment, je découvre l'existence d'un super chanteur. Rémi Langlois. Qui est québécois. Il a pris la chanson, il en a fait la sienne, quoi. Et ça lui va très, très bien, on est très contents. Ouais, tu l'as découvert à la Nouvelle-Ève, quand il est venu faire ses concerts à la Nouvelle-Ève à Paris. Oui, et, voilà. Il nous racontait tout à l'heure que tu étais venu le voir en lui disant « Tu chantes bien, j'ai une chanson pour toi ». Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, faut pas se gêner quand c'est comme ça. Bah oui. En tout cas, il en est très honoré, forcément, surtout que c'était une chanson qui normalement était destinée pour Johnny, il la chante avec beaucoup plus de cœur en se disant bon bah voilà, je chante. Mais je lui ai dit il y a pas longtemps, je lui ai dit je vais regarder si j'ai encore d'autres titres pour toi parce que ça il chante bien. Une chanson n'a d'existence que lorsqu'elle est bien portée par son interprète. Exactement. Et en fait, j'ai eu ce bonheur d'avoir Pétula Clark, d'avoir Ginette Renaud, des gens comme ça qui vous portent. Mais alors, vous avez l'impression d'avoir écrit un chef-d'œuvre. Parce qu'il chante tellement bien qu'il la défend encore mieux que vous ne l'avez imaginé. Exactement. Rémi, je lui ai dit tout le bien que j'en pensais et que à l'occasion, ça serait de lui en faire d'autres. Voilà. Ah ben ça, ce serait une bonne nouvelle et ce serait une bonne chose de lui offrir plusieurs chansons. Il les interprète tellement bien. Ben, écoute, merci Gérard de ce moment partagé avec les auditeurs parce que c'est... Ben, c'est avec grand plaisir. J'espère que je n'ai pas été trop bavard. Non, c'est voilà. Très bien. Mais je tenais justement donc à mettre en valeur cette chanson qui est sortie il y a quelques jours. Et puis, tant qu'à faire, pouvoir... faire quelques interviews auprès des auteurs de ces chansons parce qu'on parle toujours d'une belle chanson qui était destinée pour Johnny, donc forcément ça nous attire l'attention. Après, on sait que c'est Rémi Langlois qui la chante. On a entendu Rémi Langlois chanter, on se dit oh là là, bon, ça c'est magnifique. Mais moi je me suis dit allons voir un petit peu le plus près quels sont les auteurs de ces chansons. Exactement, c'est bien aussi de mettre à l'honneur les auteurs autant qu'auteurs écrits et vous avez raison, musique. C'est une démarche tout à fait honorable parce que très souvent on oublie les auteurs et les compositeurs. Eh ben vous oui, avez mais tout non. à fait raison et je vous en remercie infiniment. Ben voilà. C'est normal. Mon émission est faite pour ça, pour mettre en valeur tout le monde. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Annie et puis à une prochaine. Portez-vous bien. Et le meilleur pour tous vos auditeurs. chair de la radio, c'est notre passion. Au moment de choisir, qu'est-ce qui t'a décidé? Coup de tête ou bien pire, l'idéal, les idées, j'ai les apparences, ressemble à un con attiré. Est-ce que ta main tremble avant de frapper? Se porter volontaire pour la basse besogne, obligé à se taire, le premier qui grogne. Si les grands ensembles laissent le faible isolé, est-ce que ta main tremble avant de frapper? Dans l'ombre et l'attente, un doigt sur la détente. Dans l'ombre et l'attente, un doigt sur la détente. Et bien voilà cette soirée destinée pour la chanson Molière. J'espère qu'elle vous a plu. Je voudrais vous lire un message qui regroupe un petit peu tous ceux que vous m'avez envoyés pendant l'émission. Voilà pourquoi nous sommes et nous serons toujours présents pour notre Dieu, notre boss, notre Johnny adoré. Ces moments d'émotion et de purs moments où on découvre sans cesse la vie et le personnage, car c'est bien plus que cela. Merci Annie pour cette super soirée, comme tu sais si bien le faire et que l'on adore. Bise à toi et merci à Seb pour toute cette technique. Bonne fin de semaine, bon week-end et à mercredi. C'est signé Eric Tiercelin. Merci pour tous vos messages, j'en ai reçu bien d'autres bien sympathiques. On a tout fait avec Seb pour vous faire une émission originale et je pense qu'on a bien réussi avec des pans de Johnny qu'on ne connaissait pas encore et ça fait toujours plaisir de découvrir notre Johnny. Sur lui, aux premières lueurs du matin, il sait d'avance ce qu'on dira de lui. Alors ce soir, il vous prévient. Ne pas devenir un mausolée. Cette chanson Molière, je voudrais très sincèrement au nom des auditeurs, au nom de Seb et de moi-même et de cette radio Web Passion, remercier tous ceux qui ont accepté cette interview pour ce soir. Je parle de Rémi Langlois. Rémi Langlois, le chanteur qui a la chance de pouvoir interpréter cette chanson Molière qui était destinée pour Johnny. Un grand merci à Robert, le producteur de Rémi. Un grand merci énorme à Sandrine Décembre qui est l'auteur de cette chanson Molière, qui nous a raconté tellement de choses sympathiques de notre Johnny que l'on ne connaissait pas forcément. Et merci à Gérard Layani, le compositeur de cette chanson, de nous avoir aussi raconté des anecdotes. Vraiment, c'est une émission extraordinaire. Merci à Sandrine de nous avoir permis d'écouter la maquette de la chanson enregistrée par Éric Bamy. C'est du collector et franchement, pour nous les fans, c'est extraordinaire comme maman. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain, nous sommes le 14 février. C'est la Saint-Valentin. Alors vous avez une semaine pour m'envoyer vos plus beaux messages d'amour que je lirai en direct pendant l'émission. Donc n'hésitez pas à venir me les poster soit sur mon Messenger, Annie Lep, soit sur la page Facebook du nom de l'émission Sur la route avec toi Johnny. Vous me contactez et on se passe vos belles lettres d'amour que je lirai en direct, vos dédicaces pour votre Valentin ou votre Valentine. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Essayez d'écouter à nouveau cette chanson posément chez vous, cette chanson Molière, en attendant d'ici le dernier trimestre 2024 de l'entendre par Rémi Langlois en concert en France. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse. La gorge serrée nous empêchant de recueillir, grandir, vieillir, mourir et pire. C'est pas facile, ça je peux encore dire. Mais quand la vie m'aura trop donné, j'aimerais comme Molière être à vos années 80, à nos jours, Radio Web Passion.